ne dis pas toujours je m'en irai. C'est peut-être moi qui partirai. C'est peut-être moi qui partirai. Je ne veux pas pleurer devant toi. Quand on aimait tous les deux les mêmes chansons, tu mettais de la musique à la maison. Maintenant je guette le bruit de tes pas et tu passes. Bien sûr mon amour, changer de décor. Ne dis pas toujours je m'en irai. C'est peut-être moi qui partirai.